Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seule, cachée sous mon ombrelle. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi. La morale à plat. Et je fais le mariole, parfois je démarre. Mais je démarre très vite, je peux démarrer de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, non, ne me mens pas. Oui, j'ai dit le mot pas. C'est bien trop pour moi. Ces belles lumières et ce tumulte autour de moi m'embrume et m'enivre d'absente d'amour, j'y crois. Je donnerai tout sans rien garder sauf ta réalité. Je mourrai comme j'ai vécu.